Kultiv tes goûts. Kultiv tes goûts. Kultiv tes goûts. Bienvenue à Web Musique. Mon nom est Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. Beaucoup de bonne musique, beaucoup de musique gratuite. Donc, c'est toute la musique gratuite. Toutes les pièces que vous entendez à l'émission, vous pouvez les télécharger gratuitement et légalement. Vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. Il y a aussi les balados de diffusion des émissions précédentes qui sont disponibles. Donc, ça vaut toujours la peine de venir faire un petit tour sur le site. Beaucoup de matériel. Cette semaine, c'est ça. On va débuter avec un artiste du nom de Dectro. Je n'ai pas tout de suite le nom de la pièce. Je vais vous donner ça au retour. C'est Dectro, un artiste de la ville de Leuven en Belgique. Il est publié sur le netlabel, le Muff Label. C'est un netlabel qui vient de la Belgique. Dectro, c'est un peu de guitare tronique, donc mélange guitare électrique et l'électronique, un mix assez intéressant. Ensuite de ça, sur Ringe Raja Records, je vous fais entendre S-Beats, c'est un Allemand de la ville de Berlin. Je vous fais entendre sa pièce de Greek. Vous allez voir, c'est un mash-up de musique des Balkans et un peu de drum and bass, un heureux mélange, vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, c'est ça, on débute l'émission. Web musique avec Dectro. Thank you.

pièce fort agréable de Sbeats, un artiste de la ville de Berlin en Allemagne. C'était la pièce The Greek, publiée sur Range Raja Records. Avant ça, on avait débuté l'émission Web Music avec Dectro, avec sa pièce Travel, qui est tirée de son EP Travel. Donc, vraiment intéressant, publié sur Moff Label, un net label qui nous vient de la Belgique. On poursuit Web Music avec un artiste publié sur Militant Science. Il s'agit de Ed Noakes. Je vous fais entendre sa pièce Bossman. Ed Noakes, un artiste de la ville de Lipsia en Allemagne. Ensuite de ça, un artiste qui m'a contacté aujourd'hui via Twitter. Il s'agit de Fortissimo. Il était aussi connu sous le nom de Curobert. Donc, une pièce toute fraîche, pas encore sur aucun album. Donc, vraiment une primeur à la radio. Il s'agit de la pièce Bacano. Vous allez voir, une pièce vraiment drôle. Fortissimo, c'est un artiste qui vient de la ville de Leavenworth au Kansas. Donc, c'est ça. On va écouter ça tout de suite après Ed Noakes. I just sworn your new deputy. Made myself the sheriff. Get the picture. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL et vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre Fortissimo avec sa pièce Bacano, un artiste de la ville de Leavenworth au Kansas. Ensuite, précédemment, c'était Ed Noakes avec la pièce Bossman, Ed Noakes qui nous vient de la ville de Lipsia en Allemagne. On va poursuivre avec deux pièces qui sont sur le netlabel Get Some Records, un peu de nerdcore pour poursuivre l'émission. Donc, on va entendre tout de suite DJ Nerd 42 avec sa pièce One Wing Virus. Ensuite de ça, un artiste, j'adore son nom, j'en reviens tout simplement pas. Son nom, c'est Boba Fettuccini. Donc, un petit clin d'œil à Star Wars. Je vais vous faire entendre sa pièce So I Guess This Is It. C'est Boba Fettuccini, un artiste qui vient de la ville d'Everett aux États-Unis. C'est dans l'État de Washington. Donc, c'est ça, deux pièces publiées sur Get Some Records tout de suite à Web Music. Virtue super pirates, super virus, strong enough to cause blackouts in every single metropolis. Don't wanna unify us, so anarchy can't have nobody stop us. Late in the evening, double my computer and my mind starts blowing. Ain't like a heathen, the first cycles of this virus I can send through a modem. Chicken gestation, no Microsoft or enhanced DOS with MP. Society thinks they're safe with. So much whiteout. How many profile replication is a chore? Lights out, shut down, entire White House. It's just a bug that can be corrected. I'm erect in the immaculate design. Section by section. To erase mine, it's impossible to hide. I'll devise a virus to bring dire straits to your environment. Touch a phone with a mild touch. Slash the whole computer system and a bunch of super virus. We'll be right back. C'était la pièce So I Guess This Is It par Boba Fettuccini, un artiste de la ville de Everett aux États-Unis. Vous avez reconnu le sampling de With or Without You de U2. Donc, ben, c'est ça, une pièce assez tordante par un artiste au nom tout aussi tordant. On va faire une courte pause, puis je vous reviens tout de suite après pour la suite de Web Musique. Vous voulez gagner 100$ de musique chez Sillon le disquaire? D'ici le 11 septembre, achetez ou renouvelez votre carte de membre de CKRL pour 25$. Et courez la chance de gagner un certificat de 100$ de Sillon le disquaire. Comment faire? Téléphonez au 88 640 2575 ou bien en ligne sur sillon.com. Vous avez jusqu'au 11 septembre, 17h. N'attendez pas la fin du monde pour renouveler dès maintenant votre carte 2011-2012. Avec ses actualités au quotidien, ses choix de sortie et ses chroniqueurs chevronnés. Animé par François Tremblay, du lundi au vendredi dès 7h, le Continental, au retour à Web Musique. Donc, il nous reste seulement une petite demi-heure ensemble. Encore beaucoup de bonne musique. On va écouter des pièces un peu plus rock. Donc, on va entendre un excellent groupe à tendance, mon Dieu, Garage Psych. Vous allez voir, vraiment bon. Un groupe de Tel Aviv en Israël. Il s'agit de Love Grenade. Je vous fais entendre la pièce Hate Grenade. C'est publié sur AF Music, un excellent netlabel allemand. Ensuite de ça, ça va être Boris, non pas le groupe japonais, mais Boris, plutôt un groupe italien. Je vous fais entendre la pièce Butenko et Il mio nemico. C'est publié ça sur Salva Elettrica, un excellent netlabel ça aussi. Donc ben, c'est ça, on écoute tout de suite Love Grenade. Thank you. C'était le groupe Boris, groupe italien, donc avec la pièce Butanco et Il Mi, Mio Nemico. C'était publié sur Salva Elettrica. On avait écouté tout juste avant, c'était Love Grenade, un groupe qui vient de la ville de Tel Aviv en Israël. C'était la pièce Eight Grenade. Ça, c'était publié sur AF Music. Pour poursuivre Web Music, on va poursuivre avec un artiste, mon Dieu, je ne peux pas vraiment prononcer son nom, c'est MNLVZQZ. Il s'agit de Manuel Vasquez, un artiste mexicain. Se spécialise dans les mashups. Vous allez voir trois pièces différentes qui jouent en même temps. C'est la pièce Teddy Pigeon, Arctic Infantes. Vous allez voir une pièce assez tordante. Ensuite de ça, de la ville de Lisbonne, il s'agit de Mpex avec sa pièce Ai Fado. Mpex qui vient de la ville de Lisbonne au Portugal, publié sur Enough Records. Mpex s'est servi de son iPhone pour faire cet album-là, donc avec presque rien, finalement, réussi à faire un album assez surprenant. Donc, on va entendre cette pièce-là tout de suite après Manuel Vasquez. Portugal, de la ville de Lisbonne. Il s'agissait de MPEX avec sa pièce I Fado. C'était publié sur Enough Records. Avant ça, on entendait Manuel Vasquez, un artiste mexicain, avec sa pièce Teddy Pigeon Arctic Infantes. Donc, vous avez peut-être reconnu. C'est un mashup de Arctic Monkeys, la pièce Teddy Picker, et de Pedro Infante, la pièce Cucuru Cucu Paloma. Donc, deux trucs complètement différents, mais qui, mis ensemble, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Pour la suite de Web Music, on va entendre un groupe de rapcore russe. Il s'agit de Three Bullets. Je ne pouvais pas vous donner le nom de la pièce, c'est écrit en cyrillique. J'ai vraiment aucune idée du nom de la pièce. Un album vraiment excellent, allez voir sur le site de Web Music. C'est la 11e pièce. Téléchargez l'album au complet, c'est vraiment bon. Ça rappelle un peu Rage Against the Machine, mais avec un flow russe vraiment intéressant. Donc on écoute ça tout de suite, le groupe Three Bullets. Ты с нами. навсегда. C'était le groupe russe Three Bullets, donc publié sur Extreme Net Label. Je ne peux pas vous dire le nom de la pièce. Comme je vous disais, c'est en russe. J'ai aucune idée comment prononcer le titre. Ben, c'est ça, ça va déjà être tout pour Web Music. C'est la dernière de la saison, mais pas donc l'émission revient. Ça va être par contre à compter de 20h dès la semaine prochaine, donc une heure plus tôt. Je vous invite d'ici là ben, à visiter le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès à la playlist de l'émission. Vous allez pouvoir télécharger les pièces et ainsi que les balado-diffusions des émissions précédentes. Donc, une bonne ressource de musique gratuite. On va se quitter sur une dernière pièce des Lucky Dragons. Donc, un duo vraiment sympathique qui font du collage audio, vraiment sympathique comme pièce. Je vous fais entendre la pièce Givers. Ça avait été trouvé sur la Free Music Archives, le site de la radio WFMU. Une suggestion de Jason Segel. C'était dans son émission Grey Area, j'ai entendu ça. Donc, une pièce vraiment excellente. On se quitte là-dessus. Puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour notre émission de Web Music. Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias et du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Venez développer votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nîmes-Cassée du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos. Là, tu dis c'était gratis. Douteux.org. Si vous avez des questions, ben nous autres avec. Avant, j'étais pas bien. Pas bien avec moi, pas bien avec personne. Avant, je me faisais peur. Mais c'était avant. Avant, quand j'étais toxicomane. Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Au Québec, des milliers de personnes sont toxicomanes. Aidez-les à s'en sortir. Donnez à portage. Visitez portage.ca. Maintenant, je suis bien. Vraiment bien. Maintenant, je suis fier de moi. Maintenant, je vis. Donnez à portage. Merci. Du lundi au vendredi de 9h à 11h30, écoutez l'émission Univers francophone. C'est ton jamais qui chante à travers nos chansons. 2h30 de chansons et de poésie, seulement au 89.1. C'est KRL, 89.1. Cultive tes goûts.